Lionel Ben sur EFM, la première radio 100% Essen. C'était Où je vais. Bon début de soirée tout le monde. À Viry-Châtillon, il y a un très très bon restaurant de spécialité chinoise et thaïlandaise qui s'appelle le Shaying. Et on offre d'ailleurs toute la semaine, entre 6h et 20h, des repas pour deux personnes, Régis. Oui, on félicite Séverine de Villiers-sur-Orge. Et puis on va rappeler également qu'on est sur Facebook, car EFM a son Facebook. Et oui, il suffit tout simplement de rechercher EFM sur Facebook et de nous ajouter à vos amis. Ça nous permettra de discuter ensemble ou bien de vous souhaiter vos anniversaires, comme notamment Jérôme d'Angerville qui fête ses 31 ans aujourd'hui. D'accord, et bien on souhaite un très très bon anniversaire à Jérôme. Tout à l'heure, 18h, les prochaines infos, ce sera avec Antoine Salva sur EFM. Vous restez avec nous. Les Black Eyed Peas également pour continuer cette dernière ligne droite avec Rock That Body. Les Black Eyed Peas, écoutez dans quelques secondes sur EFM et puis le top 5 des stations service les moins chères qui arrivent. Dans quelques secondes, retour sur EFM, du meilleur de l'Essonne et de la musique Hit and Gold.